Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous sommes maintenant en compagnie de Cyril Barrette qui est professeur émérite en biologie à l'Université Laval et spécialiste de l'évolution. Bonjour Cyril. Bonjour. Et nous avons déjà discuté à plusieurs reprises de l'évolution au cours de vos visites à Futur Simple, mais nous n'avons certainement pas fait le tour de la question, puis ce soir on va aborder l'évolution sous l'angle du hasard. Quelle est la place du hasard dans l'évolution? Puis pour commencer la discussion, moi, je propose qu'on fasse un petit rappel de ce que j'appellerais les prémices, les ingrédients nécessaires au déroulement de l'évolution. Donc, ce que j'appellerais il faut une certaine variabilité génétique. Et puis, il y a la sélection des plus aptes qui se met en place. Donc, ça veut dire quoi, ça, finalement? Ben, par définition, presque, pour qu'il y ait sélection, il faut qu'il y ait variabilité. Il faut, mm-hmm. Si tous les individus d'une espèce étaient identiques, il ne pourrait pas y avoir de sélection. Donc, oui. Il faut de la variabilité. Et la sélection, l'évolution par sélection naturelle se fait en deux étapes. La première étape, il y a une production de variabilité qui vient, entre autres, des mutations, mm-hmm. mais aussi chez plusieurs espèces communes, la reproduction sexuée qui multiplie énormément la variabilité. C'est vrai. Puisque dans toutes les espèces sexuées, les individus sont uniques. Donc là, on a une variabilité extrême. Mm-hmm. Cette première étape étant produite, la variabilité étant produite, la variabilité est comme le carburant de la sélection. La deuxième étape, c'est la sélection. Et la sélection se fait toute seule. C'est une drôle d'expression d'ailleurs, parce que c'est une sélection sans sélectionneur. Ah oui. Alors, Darwin a utilisé la sélection artificielle qu'exercent les éleveurs, par ouais. exemple. Et dans ce cas-là, il y a un sélectionneur qui est l'éleveur qui choisit les caractères et les individus mm-hmm. qui vont se reproduire ensemble. Alors que dans le cas de la sélection naturelle, il n'y a pas de sélectionneur. Mm-hmm. Et c'est pas l'environnement qui sélectionne non plus. Non, on peut pas dire ça non plus. Non plus. Les conditions de l'environnement ouais. sont seulement les critères de sélection. Ah! Et on entend ouais. pour s'en sortir certains auteurs qui vont dire c'est la nature qui sélectionne. Ouais, mais même si quoi, on écrit la nature avec un N majuscule, ça solutionne pas le problème. Non, c'est ça. Ouais. Le sens de sélection dans sélection naturelle et le sens de naturel, c'est que c'est l'individu se sélectionne lui-même par sa performance de reproduction. Mmh. Donc, être okay. sélectionné, ça veut dire se reproduire plus que les congénères. Mmh. Et cette reproduction différentielle des individus bien, fait en sorte que certains gènes deviennent de plus en plus mmh. abondants d'une génération à l'autre. Mmh. Donc, il y a vraiment une production de variabilité d'abord, de toutes sortes de façons, mmh. et ensuite une sélection parmi cette variabilité-là selon les critères les plus utiles pour survivre et se reproduire mm-hmm. dans les conditions immédiates, dans les mm-hmm. conditions environnementales immédiates. Donc, on peut pas dire... est-ce qu'on peut dire la sélection s'opère? Ou faut dire, finalement, l'individu se sélectionne... La bonne façon de le dire, c'est que l'individu se sélectionne lui-même par sa performance relative de reproduction. Mm-hmm. Donc, d'accord. c'est la reproduction. Ouais. La première conséquence de la sélection naturelle ou de la sélection artificielle, ouais. c'est la reproduction différentielle de certains individus. Mm-hmm. Mais dans la nature, ça se fait tout seul. Mm-hmm. D'accord. Et donc là, si on regarde ces deux étapes, donc la production de variabilité, que ce soit par mutation ou par croisement génétique, et ensuite la sélection, où est la place du hasard? Le hasard est très, très, très important dans toute cette... dans les deux opérations, en fait, plus dans la première opération, dans le mm-hmm. sens que quand on dit que la variabilité est produite, entre autres, par les mutations... Donc, les mutations se produisent au hasard? Ça se produit au hasard. Ce qu'on veut dire quand on dit que ça se produit au hasard, c'est simplement que les mutations arrivent sans relation avec les besoins. Mm-hmm. Chez une espèce, on pourrait avoir besoin d'une mutation pour être plus grand, par exemple, mais la mutation ne sera pas là parce qu'on a besoin. La mutation, donc, arrive au hasard dans ce sens-là. Mm-hmm. Et les individus d'une espèce, comme vous et moi, même, mm-hmm. présentement, sommes porteurs d'un grand nombre de mutations inutiles dans l'environnement actuel. Si l'environnement mm-hmm. changeait, le hasard pourrait faire que certaines mutations deviennent utiles. Mm-hmm. Et les mutations sont aussi... Le hasard est aussi important dans la rencontre des partenaires qui ouais. vont produire une progéniture unique. Mm-hmm. Dans le cas des espèces sexuées. Donc là aussi, le hasard intervient considérablement. Et il intervient à toutes les échelles de temps et d'espace. Si on pense à l'exemple classique de la disparition des dinosaures qui sont disparus, on pense il y a 65 millions d'années par la chute d'un astéroïde. Mais cet astéroïde-là, la sélection naturelle ne pouvait pas avoir préparé les dinosaures. C'est vrai. Donc hasard a fait que les espèces sensibles à cette catastrophe sont disparues. Ouais. Les espèces résistantes à cette catastrophe ont survécu mm-hmm. par hasard. Mm-hmm. Okay. Mais ensuite, si on passe à l'étape suivante, donc au niveau de la sélection, est-ce qu'on peut encore parler de hasard ou finalement, est-ce que ce n'est pas quasiment une nécessité ou, Bien, il y a un petit élément de hasard dans la sélection, dans le sens que les individus qui sont favorisés, donc qui ont un meilleur succès reproducteur, ouais. c'est les individus qui sont au bon endroit au bon moment, qui ouais. possèdent les bonnes caractéristiques dans le bon environnement. Ouais. Donc, on est dans un environnement particulier. Si le climat se réchauffe, bien, le hasard fait, puis les individus qui vont être favorisés, c'est ceux qui... si on veut, par hasard, étaient prédisposés à résister au réchauffement climatique. Mm-hmm. Donc, il y a un élément de hasard. Mais ensuite, c'est pas du tout du hasard. Ensuite, il y a une comptabilité très stricte mm-hmm. qui dit, ben voici, c'est être sélectionné, ça veut dire laisser plus de progéniture que les ouais. concurrents. Oui, puis on dirait qu'il y a comme quelque chose d'impératif, pas d'impératif, je trouve pas vraiment le mot, mais au fait que ben, finalement, ceux qui avaient les bonnes prédispositions sont... quasiment obligatoire. Là, c'est... Oh, oui, il y a quelque chose d'inévitable dans le ouais. processus de sélection. Étant donné les caractéristiques de la vie, ouais. Il y a des auteurs même qui vont définir la vie ou les objets vivants, les organismes vivants, comme de la matière capable d'évoluer par sélection naturelle. Donc, la vie, mm-hmm. peu importe comment on arrive à la définir, et la sélection sont inséparables. Mm-hmm. Donc, la vie la sélection est comme incontournable une fois qu'on a des objets vivants, c'est-à-dire des objets qui ont une certaine variabilité puis qui compétitionnent pour les mm-hmm. ressources. Les gagnants sont... diffèrent des perdants par des caractéristiques qui les aident à mieux survivre mm-hmm. dans les milieux actuels. Donc, la sélection a quelque chose d'inévitable, ce qui fait dire à certains auteurs que partout où il y a de la vie, dans l'univers, il y a de la sélection. Donc, si on trouve de la vie sur une autre planète, on s'attend ouais. à ce qu'elle soit gérée ou contrôlée par la sélection naturelle. Et est-ce que c'est de ça aussi dont parlait Jacques Monod dans son livre « Le hasard et la nécessité » ? Oui, d'une certaine façon... hasard et nécessité, on dirait aujourd'hui contingence et sélection naturelle. C'est ce que Monod d'accord, voulait dire. Ouais, d'accord. Et la contingence, c'est plus que le hasard. C'est un mélange de hasard et d'histoire. Donc, les événements n'arrivent pas parfaitement au hasard. Les événements qui arrivent, comme la chute d'une astéroïde, arrivent puis viennent interférer dans un déroulement historique qui existe depuis longtemps puis vont affecter le déroulement historique futur. Mm-hmm. Donc, la contingence est un mélange de hasard et d'histoire, ce qui fait qu'il n'y a rien de prédéterminé. L'évolution n'est jamais prévisible pour cette raison-là, mm-hmm. parce que il y a un élément aléatoire dans mm-hmm. ça, mais c'est pas du pur hasard. Oui, oui, oui. C'est du hasard mélangé à de l'histoire. Donc, ce que Monod appelait hasard et nécessité, aujourd'hui, on dirait contingence et sélection naturelle. Mm-hmm, d'accord. Puis là, donc, les individus se sélectionnent, c'est difficile à dire, hein, c'est qu'on a vraiment tendance à dire... Se sélectionnent eux-mêmes par leur performance de reproduction. On a tendance quand même à dire la sélection se déroule ou s'opère, ouais, c'est quelque chose de difficile à dire. Donc c'est, finalement, il faut une certaine base de variabilité génétique, donc là, il y a toutes sortes de choses qui existent, et je vais continuer de le dire comme cela, la sélection se déroule à partir de ce matériau-là, de ce carburant. Et autrement dit, finalement, elle travaille un peu avec ce qu'elle a sous la main. Elle travaille toujours avec ce qu'elle a sous la main. Et c'est une des grandes limites de la sélection naturelle. Elle ne peut que faire du neuf avec du vieux. Elle ne peut que tenter d'adapter l'espèce avec l'héritage des générations précédentes. À chaque génération, elle travaille avec l'héritage de la génération précédente. Ouais. Elle ne peut pas inventer à partir de rien. Elle ne peut pas dire, là, il y a telle condition, j'ai besoin d'inventer ça. Il faut faire avec ce qui existe déjà. Avec ce qu'on a. Puis ce qu'on a, c'est l'héritage de la génération précédente et de toutes les générations précédentes. Ouais. Donc ça, c'est une contrainte énorme de la sélection. C'est ce qui explique, entre autres, que la sélection est très, très lente. Mm-hmm. L'adaptation par sélection naturelle se fait normalement très lentement. Parce que peu importe le besoin... S'il n'y a pas la meilleure chose, on ne peut rien faire. Si les meilleurs matériaux ne sont pas là, ça ne va pas aller loin. On ne peut rien faire. Ça ressemble un peu à du bricolage. C'est du bricolage. Et d'ailleurs, il me semble que c'est Jacques Monod qui parlait de bricolage de l'évolution. Ouais, c'est François Jacob. Ah, c'est François Jacob. D'accord. Bon, mes références ne sont pas les bonnes. C'est François Jacob qui a inventé cette expression-là, le bricolage. Et ça décrit très, très bien. Ouais. Comme un humain qui bricole en gardant des vis, des vieux bouts de bois, des pneus, puis qui va finalement arriver à bricoler quelque chose avec, selon le besoin du moment, avec ce qu'il a. Donc, il va être très limité dans ce qu'il peut inventer. Peu importe le besoin, la sélection est contrainte de travailler avec l'héritage des générations précédentes. Donc, c'est véritablement un bricolage. Mm-hmm. C'est ce qui explique qu'il y a des ça prend du temps, et puis il y a un certain nombre d'imperfections dans la nature qu'on peut observer, voilà. Oui, et puis d'ailleurs, il y a dans un de vos livres, vous donnez l'exemple d'un organe qui, a priori, nous semble parfait, mais qui présente une curieuse imperfection, puis il s'agit de l'œil. L'œil des vertébrés. Oui, notre œil, là, qu'on pense que c'est un super œil parce qu'on voit bien, etc. Puis en fait, il y a une grosse imperfection là-dedans. Expliquez-nous ça. Oui, il y a une erreur de conception, si on veut, là, si on pense dans ces termes-là. Mm-hmm. C'est-à-dire que les cellules sensibles à la lumière, les bâtonnets et les cônes qui sont au fond de l'œil, donc qui constituent la rétine, c'est des cellules qui sont allongées. Et l'extrémité qui est sensible à la lumière, logiquement, devrait être tournée vers l'extérieur pour recevoir la lumière, alors que ces extrémités sont tournées vers l'intérieur, vers le fond de la rétine. Et ça cause un certain nombre de problèmes. D'abord, la lumière, pour atteindre cette extrémité-là, doit traverser tous les tissus qui sont en chemin, si vous voulez, là, entre l'extérieur et l'extrémité sensible. Ensuite, ça veut dire que la rétine n'est pas fixée au fond de l'œil, ce qui explique les décollements de rétine, par exemple. Oui. Donc, la rétine est très, très, très sensible. Et en plus, il y a un point aveugle, parce que toutes les cellules qui pointent vers l'intérieur de l'œil ont un air qui sort de l'autre extrémité et qui se rassemble à un point pour pénétrer ensuite, retraverser la rétine et se rendre vers le nerf optique, vers le cerveau. Donc, ça crée un point aveugle. Donc, dans chaque œil de vertébré, il y a un point aveugle. Et on est légitime, on a raison d'appeler ça un défaut, puisque dans la nature, il existe un œil qui ressemble beaucoup à celui des vertébrés, où la rétine est montée à l'endroit, c'est l'œil des pieuvres. Ah oui. Donc, il y a vraiment une faute. Donc, ça s'est fait de façon différemment. Là, il y a deux chemins différents pour faire un œil indépendante. Donc, chez les vertébrés, l'hypothèse, c'est la plus plausible, c'est que chez les premiers vertébrés qui ont précédé les poissons, il y avait, pour une raison quelconque, un œil qui était monté de cette façon-là. Cet œil a été donné en héritage à tous les vertébrés qui ont suivi. Donc, on est pris avec cet héritage et la sélection ne peut pas maintenant retourner la rétine et puis l'orienter correctement. Donc, c'est ça. On voit qu'il y a eu un bricolage de fait à partir d'une rétine montée à l'envers. Puis on est pris avec. L'évolution a tenté de réparer les choses au fur et à mesure et on arrive quand même à un œil assez performant quand même. Mais si c'était à refaire, peut-être qu'on pourrait monter directement la rétine à l'endroit. Si on était un ingénieur intelligent, c'est ce qu'on ferait. Si on était un architecte intelligent, c'est ce qu'on ferait. C'est ça. Est-ce qu'on retrouve ce même bricolage? Bon, là, c'est donc le bricolage au niveau de l'organe, mais j'imagine qu'on retrouve ce même bricolage au niveau de l'organisme entier ou même de l'espèce. Quand les espèces évoluent d'une forme à une autre, est-ce qu'on retrouve des espèces, des sortes d'aller-retour ou de formes imparfaitement adaptées ou à leur milieu? C'est-à-dire qu'on trouve plusieurs exemples d'inventions de ce genre-là qui fonctionnent. C'est ce que la sélection recherche, c'est que ça marche, mais qui sont des défauts en même temps. Donc, comme tous les individus d'une espèce possèdent ce même caractère, donc on a ce défaut est répandu dans l'ensemble de l'espèce, puisque chaque individu l'a hérité de ses parents, qu'il possédait déjà ce défaut-là. Le seul autre exemple qui pourrait être au niveau de l'espèce, d'une certaine façon, c'est la relation écologique entre l'espèce et son milieu. Donc, la relation écologique, la relation trophique, bien là, l'espèce est prise avec aussi. Si c'est un herbivore qui est capable de digérer seulement certaines plantes, bien là, il est pris avec cette limitation pour toute l'espèce est prise avec. Donc, mais c'est toujours au niveau de l'individu que ça se passe au point de départ, puisque la sélection concerne l'individu. Oui. Le succès différentiel, le succès reproducteur différentiel des individus, et comme l'espèce est constituée d'individus, bien voilà, ça se répand dans l'ensemble. À moins qu'il arrive une mutation majeure chez un individu qui le rendrait différent, mais ça, c'est extrêmement rare. Dans la plupart des cas, s'il y a une mutation majeure, elle est délétère, elle peut être mortelle, donc elle s'éteint avec l'individu. Parce que finalement, quand on regarde l'évolution d'un organe, comme l'œil, on se dit c'est pas franchement linéaire. Si ça avait été linéaire, on serait allé directement à un œil avec une rétine à l'endroit. Mais là, on a fait comme un détour, un croche un peu bizarre. L'évolution ne fonctionne jamais d'une façon linéaire. Donc, quand on regarde l'évolution d'une espèce, la lignée humaine ou la lignée du cheval, ou je sais pas, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est linéaire ou est-ce que ça part avec des branches qui s'éteignent, qui se défont? Ce n'est jamais linéaire. C'est toujours buissonnant, diversifiant, c'est-à-dire qu'il y a des bifurcations. Le cheminement de l'évolution se fait sous forme de bifurcations, donc des fourches qui fourche encore une autre fois et qui se subdivise de plus en plus, et ce qui donne la grande diversité des espèces. Donc, l'évolution ne produit jamais des séries linéaires. Elle produit des buissons ramifiés qui vont dans toutes sortes de directions. Et on imagine que c'est la façon de la vie de proliférer puis de durer plus longtemps, c'est de produire de la diversité pour faire, je dis pour, mais c'est pas parce que c'est un objectif, mais produire de la diversité pour éventuellement survivre aux conditions environnementales imprévisibles dans le futur. Puis il y a des branches qui se cassent des fois dans ce buisson. Absolument. Des cul-de-sac. Toutes les branches se cassent éventuellement. Toutes les espèces disparaissent. On estime, je ne me souviens pas comment on fait pour estimer ça, mais on estime que les espèces qui existent présentement représentent moins de 1% des espèces qui ont existé de tout temps. Donc, 99% sont disparues. Toutes les espèces sont vouées à disparaître un jour. Donc, l'arbre de la vie, ce n'est pas un arbre avec un tronc principal et puis des... Non. C'est plutôt un buisson touffu. Oui, il n'y a pas de tronc principal. Il y a simplement des bifurcations. Et Darwin, dans un de ses écrits, les premiers sur l'évolution, préférait l'analogie du corail. Parce que le corail, les individus qui sont vivants actuellement reposent sur des branches mortes. Donc, c'est un peu la même chose pour la vie. Nos ancêtres sont disparus. Les espèces qui ont précédé, par exemple, l'espèce humaine, sont toutes disparues. Donc, c'est comme la partie morte du corail. Et nous, on est l'extrémité de la branche pour le moment. Donc, la métaphore de l'arbre et du corail, si on les mélange les deux, on arrive à une bonne description. Ce qu'on aime moins de la métaphore de l'arbre, c'est qu'on voit tout de suite un tronc principal avec des petites branches. Alors, il n'y a jamais de tronc principal dans l'évolution. Il y a des branches qui se ramifient à mesure que le temps passe. Oui. Puis, c'est pas non plus une croissance... il n'y a pas un objectif ou une finalité. Où il n'y a jamais d'objectif. Il n'y a jamais de finalité. C'était le message principal de Jacques Monod en 70, dans Le hasard et la nécessité, de dire que dans la nature, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de programme. Par exemple, notre espèce n'était pas au programme. Il y a 1 million d'années, puis il y a 5 millions d'années, puis il y a 100 millions d'années, puis il y a 4 milliards d'années. Il n'y a pas de programme. L'histoire de la vie produite par l'évolution, s'écrit à mesure, s'invente à mesure. Le film s'improvise à mesure. En fonction de ce qui a été fait à l'étape précédente. Ah, toujours. Donc là, c'est toujours l'histoire de la contingence. C'est une contingence, mais c'est une contingence qui est contrainte. Donc, elle est contrainte par les lois de la physique, par les lois de la chimie. On ne verra pas un éléphant volant, par exemple. Non. Donc, il y a des contraintes. La contingence est contrainte, donc tout n'est pas possible, même si le possible est très vaste. Et elle est canalisée. C'est-à-dire que la trajectoire future de l'évolution a beaucoup plus de chances de continuer la trajectoire passée que d'aller dans une autre direction. Donc, normalement, la contingence est canalisée dans la même direction du passé vers le futur. Mais est-ce qu'on peut encore parler de hasard, alors? Il y a du hasard qui joue, dans le sens que à chaque fois qu'une nouvelle espèce apparaît, c'est la trajectoire qui change. Il y a une bifurcation, il y a une fourche qui s'installe. Donc, il y a plus de probabilités de continuer dans la même direction, mais si les conditions sont propices, il y a une bifurcation. Donc, à chaque fois qu'il y a une bifurcation, il y a une nouvelle espèce qui apparaît. Si on regarde la vitesse d'apparition des nouvelles espèces, est-ce que, donc, au fil du temps, est-ce que si c'était le hasard, il y en aurait régulièrement tout le temps? On peut penser que si c'était un événement... C'est-à-dire que si c'était totalement au hasard, il n'y en aurait pas... il n'y aurait pas d'apparition régulière. Ce serait aléatoire. Mais dans le même sens que quand on tire pile ou face, on peut tirer... si on tire 1000 fois, en moyenne, on va avoir 50-50 pile ou face. Mais on peut avoir des séries, on peut avoir 5 fois de suite face. Donc, ça peut être... C'est totalement aléatoire. C'est la même chose pour l'apparition des espèces. Mais comme l'émergence d'une espèce... est fondée sur tellement d'éléments aléatoires, contingents, on ne voit jamais une espèce apparaître deux fois. On peut voir des espèces, une nouvelle espèce qui apparaît qui ressemble à une espèce. Les mêmes conditions ne sont jamais réunies. On n'a jamais exactement les mêmes conditions. Tout est trop complexe. Donc, c'est un peu pour la même raison que, par exemple, on peut très difficilement produire deux fois exactement la même partie d'échec. Parce qu'à chaque coup, les possibles devant nous sont très, très vastes. Et puis, si c'est vrai pour une partie d'échec, c'est d'autant plus vrai pour la vie où les conditions sont extrêmement variées et le matériel sur lequel on travaille est toujours nouveau. Donc, la contingence, le hasard joue beaucoup, mais ce n'est pas une contingence totalement libre. Elle est contrainte par les lois de la physique, de la chimie, de la sélection naturelle et canalisée. Mais elle produit... C'est pour ça que l'évolution est si surprenante. pour ça qu'il y a autant de diversité, puis pour ça que l'évolution est imprévisible, c'est qu'elle est contingente. Mais là, je reprends l'idée du jeu d'échecs. Je trouve que c'est vraiment une très bonne image parce qu'on voit bien à chaque coup qu'il peut y avoir une quantité de nouveaux coups, et puis bon, ça se multiplie là. Mais sauf que dans les parties d'échecs qui sont vraiment contrôlées, il y a un sablier. Oui. Et donc, il y a un coup toutes les trois minutes, là. Oui. Mais dans l'évolution, il n'y a pas une forme, une espèce nouvelle qui apparaît toutes les trois minutes. Non, absolument pas. Donc, si c'était complètement au hasard, on peut se dire, ce serait réparti aléatoirement tout le long du déroulement de l'évolution, mais c'est pas forcément le cas. Non, c'est pour ça que c'est pas totalement au hasard. Donc, c'est pas seulement du hasard. Il y a des espèces qui se retrouvent dans un milieu dans lequel elles sont particulièrement bien adaptées et que le milieu ne change pas. Donc, ces espèces vont durer très longtemps. Ah, ben oui. Alors que si le milieu change constamment, les espèces disparaissent ou sont comme forcées de bifurquer, de former une nouvelle espèce. Donc, c'est pour ça que la vitesse de l'évolution, le tempo de l'évolution, comme on dit, varie beaucoup. Selon les circonstances, selon les groupes d'organismes aussi. Il y a des groupes qui évoluent très, très, très, très lentement. Il y en a d'autres qui ont une capacité d'évoluer plus rapidement. Donc, ils produisent un plus grand nombre d'espèces par famille, par unité de temps, par millions d'années, par exemple. Donc, voilà, ça varie énormément d'un groupe à l'autre. Et puis, ça dépend aussi, donc, comme vous dites, s'il y a un changement important dans les conditions environnementales, donc, une météorite qui tombe ou autre chose, ça va multiplier décupler l'apparition de nouvelles espèces? Bien, ça va avoir deux conséquences, comme dans le cas de la disparition des dinosaures. Les espèces qui étaient sensibles à cette catastrophe disparaissent. Donc là, c'est catastrophique pour un très grand nombre d'espèces. Tous les dinosaures sont disparus, sauf si on admet que les oiseaux actuels sont des dinosaures à plumes. Mais d'autres espèces qui étaient prédisposées à survivre à cette catastrophe ont survécu. Alors, dans ce cas-ci, c'est le cas des mammifères, qui étaient tous des petits rongeurs ou qui ressemblaient à des musaraignes à l'époque. Et puis, tout d'un coup, toutes les niches sont libérées avec la disparition des dinosaures. Les mammifères, par hasard, étaient prédisposés à résister à la catastrophe, ont survécu. Et là, tout d'un coup, se retrouvent dans des environnements où il n'y a pratiquement plus de compétiteurs. Donc, il y a une prolifération de nouvelles espèces qu'on a observées chez les mammifères et chez les oiseaux après la disparition des dinosaures. Donc, vous voyez, c'est très, très variable selon les circonstances, selon les groupes. C'est pour ça que l'évolution est... Les théories d'évolution sont excellentes pour expliquer le passé et le présent, mais totalement nulles pour prédire le futur. Il y a un grand mur aveugle là, on ne sait pas du tout. Oui, mais c'est la nature de l'évolution. Et c'est la beauté de l'évolution qui produit des surprises, qui produit de la nouveauté, qui produit de la diversité constamment. Et il y a une théorie aussi qui s'appelle la théorie des équilibres ponctués. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a des espèces qui apparaissent plus à certains moments qu'à d'autres? De quel équilibre s'agit-il finalement? Bien, la théorie des équilibres ponctués, c'est une réponse à une conviction très profonde que Darwin avait, qui était le gradualisme. Darwin disait, voici, les espèces se reproduisent toujours d'une façon graduelle, parfois plus rapidement, parfois plus lentement. Donc, aux trois minutes, là, comme notre coup de... quelque chose comme ça. Alors que la théorie des équilibres ponctués dit deux choses. Elle dit, l'évolution se passe normalement de la façon suivante. Une espèce apparaît, mais elle n'apparaît pas, mais elle émerge lentement. Une fois que l'espèce existe, si les conditions sont relativement constantes, l'espèce va demeurer inchangée pendant une très longue période. Donc, il y a des espèces, des périodes de stase, comme on dit, qui sont très, très longues. Et ça fait partie de la réalité de l'évolution. Et là, tout d'un coup, les conditions changent pour une petite population de cette espèce-là, par exemple. Et là, tout d'un coup, une nouvelle espèce émerge rapidement. Quand on dit rapidement, tout est relatif. Ça se fait pas dans quelques jours ou dans quelques années. Ça se fait, disons, sur quelques centaines de générations. Et là, tout d'un coup, il apparaît une nouvelle espèce. Donc, c'est un équilibre ponctué par une spéciation qui arrive relativement rapidement. Donc, l'espèce, normalement, est en équilibre avec son milieu, ce qui fait que la sélection naturelle, dans la majorité des cas, ne change rien. Elle maintient l'équilibre de l'espèce avec son milieu. Et à période régulière, tout d'un coup, il apparaît une nouvelle émergence, une nouvelle espèce, une nouvelle bifurcation, parce qu'il y a une petite population de l'espèce, par exemple, qui est soumise à des conditions nouvelles. Dans la plupart des cas, cette petite population disparaît, puisque les conditions sont différentes et nouvelles, mais dans certains cas, elle donne naissance à une nouvelle espèce. Donc, on a un cheminement qui est sans cheminement, si vous voulez, une période d'équilibre qui est ponctuée par une bifurcation, donc l'apparition d'une nouvelle espèce. Donc, dit autrement, si l'exemple classique des chevaux, par exemple, si les chevaux sont devenus de plus en plus grands, c'est pas parce que certaines espèces plus petites sont devenues plus grandes, c'est parce que certaines espèces plus petites ont bourgeonné une nouvelle espèce plus grande. Et la suivante a bourgeonné une autre espèce plus grande. Donc, il faut pratiquement un dessin là, pour le montrer. C'est pas une série linéaire, mais c'est encore une fois un buisson qui bifurque de plus en plus. Mm-hmm. Puis, est-ce que c'est pour ça? En fait, est-ce qu'on a eu cette idée-là parce qu'on ne trouvait pas certains fossiles entre deux périodes assez éloignées? Puis là, il y avait toute une période où on ne trouvait pas de fossiles. Ouais, où voilà, c'était c'est en paléontologie. Il ne se passe rien entre ces deux. Oui, c'est la paléontologie qui a découvert dans plusieurs groupes, particulièrement des groupes de mollusques qui ont été bien étudiés. Ouais. On voyait des millions et des millions de fossiles dans les couches de roches. On voyait des coquillages. Et puis, quand on observait une espèce, on constatait que cette espèce était inchangée pendant une très longue période. Puis, tout d'un coup, on voyait apparaître une espèce très, très semblable, mais légèrement différente. Mm-hmm. Puis, on la voyait apparaître tout d'un coup à l'échelle géologique. Ah, ouais. C'est-à-dire que la période de stase pouvait durer 10 millions d'années. Puis, tout d'un coup, en un demi-million d'années, on voit apparaître quelque chose de nouveau. Mm-hmm. Puis, pendant la période précédente, il ne se passait rien. Il semblait rien se passer. Donc, une période de stase ponctuée par l'apparition d'une nouvelle espèce. Et à mesure qu'on a observé une grande diversité d'organismes dans les fossiles qui montraient le même pattern, la même forme, bien, on a dit, bien voilà, oublions l'évolution linéaire. L'évolution se fait par des buissons. Ce n'est pas une échelle avec des barreaux qui montent comme la marque le voyait. Ouais, ouais. Ce qu'on appelle l'anagénèse, mais c'est plutôt la cladogénèse, c'est-à-dire la bifurcation, l'émergence. Mm-hmm. Donc, ça donne un buisson touffu avec plein de branches qui émergent et non pas une série linéaire. Il n'y a jamais de série linéaire. Mm-hmm. Et alors, en une minute, là, pour conclure, et l'homme dans tout ça, on le met où? Exactement au même endroit. Au même endroit que tout le monde, que les autres. Exactement. Ça a pris un grand nombre d'années avant qu'on admette que cette vision-là buissonnante s'appliquait autant à l'humain. On a longtemps pensé que l'humain était prévu, qu'il faisait partie d'un projet. Il n'est pas en haut de l'arbre, en tout cas. Il n'est pas en haut de l'arbre. Il est une des nombreuses branches. Ouais. Donc, mais pour pouvoir appliquer cette idée de buisson à l'humain, il fallait trouver des fossiles. Et c'est seulement depuis les années 50 qu'on en trouve suffisamment. Mm-hmm. Et maintenant, on connaît, par exemple, si on remonte il y a 2 millions d'années, en Afrique de l'Est, vivaient 5 espèces en même temps d'hominidés. Donc, ces 5 espèces ne peuvent pas toutes être des ancêtres de l'humain. Donc, on a abandonné la vision linéaire parce qu'on s'est dit il y a seulement une espèce qui peut être l'ancêtre de l'humain, puis peut-être même pas une seule de ces 5-là, mais certainement pas plus qu'une. Mm-hmm. Donc là, on voit se dessiner un buisson pour l'humain aussi. Mm-hmm. Ben, on va s'arrêter sur ces réflexions qui sont tout à fait passionnantes, je trouve. Cyril, c'était votre dernière visite à cette saison à Futursap, puisque l'émission se termine fin mai. Et je tiens à vous remercier très sincèrement pour toutes ces entrevues que vous nous avez faites depuis l'automne dernier. Je pense qu'elles auront été quelques neurones dans la tête de nos auditeurs. Alors, merci beaucoup. C'était un grand plaisir pour moi à chaque fois. Merci à vous. Et rappelons que Cyril Barrette est professeur émérite en biologie à l'Université Laval.